Homère, l'Odyssée, chant 18. Et il vint un mendiant qui errait par la ville et qui mendiait dans Ithaque. Et il était renommé par son ventre insatiable, car il mangeait et buvait sans cesse. Mais il n'avait ni force ni courage, bien qu'il fût beau et grand. Il se nommait Arnaios. Et c'était le nom que sa mère vénérable lui avait donné à sa naissance. Mais les jeunes hommes le nommaient tous Hyros, parce qu'il faisait volontiers les messages quand quelqu'un le lui ordonnait. Et dès qu'il fut arrivé, il voulut chasser Odysseus de sa demeure, et en l'injuriant, il lui dit ces paroles ailées. Sors du portique, vieillard, de peur d'être traîné aussitôt par les pieds. Ne comprends-tu pas que tous me font signe et m'ordonnent de te traîner dehors? Cependant, j'ai pitié de toi. Lève-toi donc, de peur qu'il y ait de la discorde entre nous et que nous en venions aux mains. Et le subtil Odysseus, le regardant d'un œil sombre, lui dit: Malheureux, je ne te fais aucun mal, je ne te dis rien, et je ne t'envie pas à cause des nombreux dons que tu pourras recevoir. Ce seuil nous servira à tous deux. Il ne faut pas que tu sois envieux d'un étranger, car tu me sembles un vagabond, comme moi, et ce sont les dieux qui distribuent les richesses. Ne me provoque donc pas au cou, et n'éveille pas ma colère, de peur que je souille de sang ta poitrine et tes lèvres. Bien que je sois vieux, demain, je n'en serai que plus tranquille, et je ne pense pas que tu reviennes après cela dans la demeure du Laertiade Odysseus. Et le mendiant Hyros, irrité, lui dit: Ô Dieu, comme ce mendiant parle avec facilité, semblable à une vieille enfumée. Mais je vais le maltraiter en le frappant des deux mains, et je ferai tomber toutes ses dents de sa mâchoire, comme celles d'un sanglier mangeur de moisson. Maintenant, ceins-toi, et que tout ceci nous voit combattre. Mais comment lutteras-tu contre un jeune homme? Ainsi, devant les hautes portes, sur le seuil poli, ils se querellaient de toute leur âme. Et la force sacrée d'Antinos les entendit, et se mettant à rire, il dit au prétendant: Ô ami, jamais rien de tel n'est arrivé. Quel plaisir un dieu nous envoie dans cette demeure! L'étranger et Hyros se querellent et vont en venir au coup. Mettons-les promptement aux mains. Il parla ainsi, et tous se levèrent en riant, et ils se réunirent autour des mendiants en haillons, et Antinoos, fils de Pétès, leur dit: Écoutez-moi, illustre prétendant, afin que je parle. Des poitrines de chèvres sont sur le feu pour le repas, et pleines de sang et de graisse. Celui qui sera vainqueur et le plus fort choisira la part qu'il voudra. Il assistera toujours à nos repas, et nous ne laisserons aucun autre mendiant demander parmi nous. Ainsi parla Antinoos, et ses paroles plurent à tous. Mais le subtil Odysseus parla ainsi, plein de ruse. Ô ami, il n'est pas juste qu'un vieillard flétri par la douleur lutte contre un jeune homme. Mais la faim, mauvaise conseillère, me pousse à me faire couvrir de plaies. Cependant, jurez tous par un grand serment qu'aucun de vous, pour venir en aide à Hyros, ne me frappera de sa forte main, afin que je sois dompté. Il parla ainsi, et tous jurèrent comme il l'avait demandé. Et la force sacrée de Télémaque lui dit: Étranger, si ton cœur et ton âme courageuse t'invitent à chasser cet homme, ne crains aucun des Achéens. Celui qui te frapperait aurait à combattre contre plusieurs, car je t'ai donné l'hospitalité, et deux rois prudents, Eurymachos et Antinoos, m'approuvent. Il parla ainsi et tous l'approuvèrent. Et Odysseus ceignit ses parties viriles avec ses haillons, et il montra ses cuisses belles et grandes, et ses larges épaules, et sa poitrine, et ses bras robustes. Et Athéna, s'approchant de lui, augmenta les membres du prince des peuples, et tous les prétendants furent très surpris, et ils se dirent les uns aux autres. Certes, bientôt Hyros ne sera plus Hyros, et il aura ce qu'il a cherché. Quelle cuisse montre ce vieillard en retirant ses haillons! Ils parlèrent ainsi, et l'âme de Hyros fut troublée, mais les serviteurs, après l'avoir ceint de force, le conduisirent, et toute sa chair tremblait sur ses os. Et Antinos le réprimanda et lui dit « Puisses-tu n'être jamais né, n'étant qu'un fanfaron, puisque tu trembles, plein de crainte devant un vieillard flétri par la misère. Mais je te dis ceci, et ma parole s'accomplira. Si celui-ci est vainqueur et le plus fort, je t'enverrai sur la terre ferme, jeté dans une nef noire, chez le roi Équétos, le plus féroce de tous les hommes, qui te coupera le nez et les oreilles avec les reins tranchants, qui t'arrachera les parties viriles et les donnera sanglantes à dévorer aux chiens. » Il parla ainsi, et une plus grande terreur fit trembler la chair d'Hyros. Et on le conduisit au milieu, et tous deux levèrent leurs bras. Alors le patient et divin Odysseus délibéra s'il le frapperait de façon à lui arracher l'âme d'un seul coup, ou s'il ne ferait que l'étendre contre terre. Et il jugea que ceci était le meilleur, de ne le frapper que légèrement, de peur que les Achéens le reconnussent. Tous deux ayant levé les bras, Hyros le frappa à l'épaule droite, mais Odysseus le frappa au cou, sous l'oreille, et brisa ses os. Et un sang noir emplit sa bouche, et il tomba dans la poussière en criant, et ses dents furent arrachées, et il battit la terre de ses pieds. Les prétendants insolents, les bras levés, mouraient de rire. Mais Odysseus le traîna par un pied à travers le portique, jusque dans la cour et jusque aux portes, et il l'adossa contre le mur de la cour, lui mit un bâton à la main, et lui adressa ces paroles ailées. « Maintenant reste là, et chasse les chiens et les porcs, et ne te crois plus le maître des étrangers et des mendiants, misérable, de peur d'un mal pire. » Il parla ainsi, et jetant sur son épaule sa pauvre besace pleine de trous, suspendue à une courroie tordue, il revint s'asseoir sur le seuil. Et tous les prétendants rentrèrent en riant et lui dirent « Que Zeus et les autres dieux immortels étrangers t'accordent ce que tu désires le plus et ce qui est cher à ton cœur, car tu empêches cet insatiable de mendier. Nous l'enverrons bientôt sur la terre ferme, chez le roi Équétos, le plus féroce de tous les hommes. » Il parlait ainsi, et le divin Odysseus se réjouit de leurs vœux. Et Antinoos plaça devant lui une large poitrine de chèvre, pleine de sang et de graisse. Et Amphinomos prit dans une corbeille de pain qu'il lui apporta, et l'honorant d'une coupe d'or, il lui dit « Salut, père étranger, que la richesse que tu possèdes te soit rendue, car maintenant tu es accablé de beaucoup de maux. » Et le subtil Odysseus lui répondit « Amphinomos, tu me sembles plein de prudence, et tel que ton père, car j'ai appris par la renommée que Nisos était à Doulikos un homme honnête et riche. On dit que tu es né de lui, et tu sembles un homme sage. Je te dis ceci, écoute et comprends-moi. Rien n'est plus misérable que l'homme parmi tout ce qui respire ou rampe sur la terre et qu'elle nourrit. Jamais, en effet, il ne croit que le malheur puisse l'accabler un jour, tant que les dieux lui conservent la force et que ses genoux se meuvent. Mais quand les dieux heureux lui ont envoyé les maux, il ne veut pas les subir d'un cœur patient. Tel est l'esprit des hommes terrestres, semblable aux jours changeants qu'amène le Père des hommes et des dieux. Moi aussi, autrefois, j'étais heureux parmi les guerriers, et j'ai commis beaucoup d'actions injustes. Dans ma force et dans ma violence, me fiant à l'aide de mon père et de mes frères. C'est pourquoi qu'aucun homme ne soit inique, mais qu'il accepte en silence les dons des dieux. Je vois les prétendants, pleins de pensées iniques, consumant les richesses et outrageant la femme d'un homme qui, je le dis, ne sera pas longtemps éloigné de ses amis et de la terre de la patrie. Qu'un démon te ramène dans ta demeure, de peur qu'il te rencontre quand il reviendra dans sa chère terre de la patrie. Ce ne sera pas en effet sans carnage, car tout se décidera entre les prétendants et lui quand il reviendra dans ses demeures. Il parla ainsi, et faisant une libation, il but le vin doux et remit la coupe entre les mains du prince des peuples. Et celui-ci, le cœur déchiré et secouant la tête, allait à travers la salle, car en effet, son âme prévoyait des malheurs. Mais cependant, il ne devait pas éviter la guerre, et Athéna l'empêcha de partir, afin qu'il fût tué par les mains et par la lance de Télémaque. Et il alla s'asseoir de nouveau sur le trône d'où il s'était levé. Alors, la déesse Athéna aux yeux clairs mit dans l'esprit de la fille d'Icarios, de la prudente Pénélope, d'apparaître aux prétendants, afin que leur cœur fût transporté, et qu'elle-même fut plus honorée encore par son mari et par son fils. Pénélope se mit donc à rire légèrement, et elle dit « Eurynomée, voici que mon âme m'excite maintenant à apparaître aux prétendants odieux. Je dirai à mon fils une parole qui lui sera très utile. Je lui conseillerai de ne point se mêler aux prétendants insolents qui lui parlent avec amitié et méditent sa mort. » Et Eurynomée, l'intendante, lui répondit « Mon enfant, ce que tu dis est sage, fais-le. Donne ce conseil à ton fils et ne lui cache rien. Lave ton corps et parfume tes joues avec de l'huile, et ne sors pas avec un visage sillonné de larmes, car rien n'est pire que de pleurer continuellement. En effet, ton fils est maintenant tel que tu suppliais ardemment les dieux qu'il devint. » Et la prudente Pénélope lui répondit « Eurynomée, ne me parle point tandis que je gémis de laver et de parfumer mon corps. Les dieux qui habitent l'Olympe m'ont ravi ma splendeur du jour où Odysseus est parti sur ses nefs creuses. Mais ordonne à Autonomée et à Hippodamia de venir afin de m'accompagner dans les demeures. Je ne veux point aller seule au milieu des hommes, car j'en aurai honte. » Elle parla ainsi, et la vieille femme sortit de la maison afin d'avertir les servantes et qu'elles vinssent à la hâte. Et alors, la déesse Athéna aux yeux clairs eut une autre pensée, et elle répandit le doux sommeil sur la fille d'Icarios. Et celle-ci s'endormit, penchée en arrière, et sa force l'abandonna sur le lit de repos. Et alors, la noble déesse lui fit des dons immortels, afin qu'elle fût admirée des Achéens. Elle purifia son visage avec de l'ambroisie, de même que Quitéria à la belle couronne se parfume quand elle se rend au cœur charmant des Charites. Elle la fit paraître plus grande, plus majestueuse, et la rendit plus blanche que l'ivoire récemment travaillé. Cela fait, la noble déesse s'éloigna, et les deux servantes, aux bras blancs, ayant été appelées, arrivèrent de la maison. Et le doux sommeil quitta Pénélope. Et elle pressa ses joues avec ses mains et elle s'écria « Certes, malgré mes peines, le doux sommeil m'a enveloppée. Puisse la chaste Artémis m'envoyer une mort aussi douce. Je ne consumerai plus ma vie à gémir dans mon cœur, regrettant mon cher mari qui avait toutes les vertus et qui était le plus illustre des Achéens. » Ayant ainsi parlé, elle descendit des chambres splendides. Et elle n'était point seule, car deux servantes la suivaient. Et quand la divine femme arriva auprès des prétendants, elle s'arrêta sur le seuil de la salle richement ornée, ayant un beau voile sur les joues. Et les servantes prudentes se tenaient à ses côtés, et les genoux des prétendants furent rompus, et leur cœur fut transporté par l'amour, et ils désiraient ardemment dormir avec elle dans leur lit. Mais elle dit à son fils Télémaque : « Télémaque, ton esprit n'est pas ferme, ni ta pensée. Quand tu étais encore enfant, tu avais des pensées plus sérieuses. Mais aujourd'hui que tu es grand et parvenu au terme de la puberté, et que chacun dit que tu es le fils d'un homme heureux, et que l'étranger admire ta grandeur et ta beauté, ton esprit n'est plus équitable, ni ta pensée. Comment as-tu permis qu'une telle action, mauvaise, ait été commise dans tes demeures, et qu'un autre ait été ainsi outragé? Qu'arrivera-t-il donc si un étranger assis dans nos demeures souffre un tel outrage? La honte et l'opprobre seront pour toi parmi les hommes. Et le prudent Télémaque lui répondit: Ma mère, je ne te blâme point de t'irriter, mais je comprends, et je sais dans mon âme ce qui est juste ou injuste. Il y a peu de temps j'étais encore un enfant, et je ne puis avoir une égale prudence en toutes choses. Ces hommes, assis les uns auprès des autres, méditent ma perte, et je n'ai point de soutien. Mais le combat de l'étranger Édiros ne s'est point terminé selon le désir des prétendants, et notre hôte l'a emporté par sa force. Plaise au père Zeus et à Athéna, à Apollon, que les prétendants domptés dans nos demeures courbent bientôt la tête, les uns sous le portique et les autres dans la demeure, et que leurs forces soient rompues. De même, Kyros est assis devant les portes extérieures, baissant la tête comme un homme ivre, et ne pouvant ni se tenir debout, ni revenir à sa place accoutumée, parce que ses forces sont rompues. Et ils se parlaient ainsi. Eurymachos dit à Pénélope. Fille d'Icarios, sage Pénélope, si tous les Achéens de l'Argos Diazos te voyaient, demain, d'autres nombreux prétendants viendraient s'asseoir à nos repas dans ces demeures, car tu l'emportes sur toutes les femmes, par la beauté, la majesté et l'intelligence. Et la sage Pénélope lui répondit. Eurymachos, certes, les immortels m'ont enlevé ma vertu et ma beauté depuis que les Argiens sont partis pour Ilios et qu'Odysseus est parti avec eux. Mais s'ils revenaient et gouvernaient ma vie, ma renommée serait meilleure et je serais plus belle. Maintenant, je suis affligée, tant un démon ennemi m'a envoyé de maux. Quand Odysseus quitta la terre de la patrie, il me prit la main droite et il me dit « Ô femme, je ne pense pas que les Achéens ou belles Cnémides reviennent tous sains et saufs de Troie. On dit en effet que les Troyens sont de braves guerriers, lanceurs de piques et de flèches, et bons conducteurs de chevaux rapides, qui décident promptement de la victoire dans la mêlée du combat furieux. Donc, je ne sais si un dieu me sauvera ou si je mourrai là devant Troie. Mais toi, prends soin de toutes choses et souviens-toi, dans mes demeures, de mon père et de ma mère, comme maintenant et plus encore quand je serai absent. Puis, quand tu verras ton fils arriver à la puberté, épouse celui que tu choisiras et abandonne ta demeure. » Il parla ainsi, et toutes ces choses sont accomplies, et la nuit viendra où je subirai d'odieuses noces, car Zeus m'a ravi le bonheur. Cependant, une douleur amère a saisi mon cœur et mon âme, et vous ne suivez pas la coutume ancienne des prétendants. Ceux qui voulaient épouser une noble femme, fille d'un homme riche, et qui se la disputaient, amenaient dans sa demeure des bœufs et de grasses brebis, et ils offraient à la jeune fille des repas et des présents splendides, et ils ne dévoraient pas impunément les biens d'autrui. Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus se réjouit, parce qu'elle attirait leurs présents et charmait leur âme par de douces paroles, tandis qu'elle avait d'autres pensées. Et Antinos, fils de Pétès, lui répondit. Fille d'Icarios, sage Pénélope, accepte les présents que chacun des Achéens voudra apporter ici. Il n'est pas convenable de refuser des présents. Et nous ne retournerons point à nos travaux, et nous ne ferons aucune autre chose avant que tu aies épousé celui des Achéens que tu préféreras. » Antinos parla ainsi, et ses paroles furent approuvées de tous, et chacun envoya un héros pour apporter les présents. Et celui d'Antinos apporta un très beau péplos aux couleurs variées et ornée de 12 anneaux d'or, où s'attachaient autant d'agrafes recourbées. Et celui de Rimacos apporta un riche collier d'or et d'ambre étincelant et semblable à Hélios. Et les deux serviteurs d'Eurydamas, des boucles d'oreilles merveilleuses et bien travaillées et resplendissantes de grâce. Et le serviteur de Pésandros, Polyctoride, apporta un collier très riche ornement. Et les héros apportèrent aux autres Achéens d'aussi beaux présents. Et la noble femme remonta dans les chambres hautes, tandis que les servantes portaient ces présents magnifiques. Mais les prétendants restèrent jusqu'à ce que le soir soit venu, se charmant par la danse et par le chant. Et le soir sombre survint, tandis qu'ils se charmaient ainsi. Aussitôt, ils dressèrent 3 lampes dans les demeures, afin d'en être éclairés. Et ils disposèrent autour du bois, depuis fort longtemps desséché et récemment fendu à l'aide de l'airain. Puis ils enduisirent les torches, et les servantes du subtil Odysseus les allumaient tour à tour. Mais le patient et divin Odysseus leur dit « Servantes du roi Odysseus depuis longtemps absent, rentrez dans la demeure où est la reine vénérable. » Réjouissez-la, assise dans la demeure, tournez les fuseaux et préparez les laines. Seule, j'allumerai ces torches pour les éclairer tous. Et même s'ils voulaient attendre la brillante Éos, ils ne me la serraient point, car je suis plein de patience. » Il parla ainsi, et les servantes se mirent à rire, se regardant les unes les autres. Et Mélanto, aux belles joues, lui répondit injurieusement. Dolios l'avait engendré, et Pénélope l'avait nourri et élevé comme sa fille et entourée de délices. Mais elle ne prenait point part à la douleur de Pénélope, et elle s'était unie d'amour avec Eurymachos, et elle l'aimait. Et elle adressa ces paroles injurieuses à Odysseus. « Misérable étranger, tu es privé d'intelligence, puisque tu ne veux pas aller dormir dans la demeure de quelque ouvrier ou dans quelque bouge, et puisque tu dis ici de vaines paroles au milieu de nombreux héros, et sans rien craindre. Certes, le vin te trouble l'esprit, ou il est toujours tel, et tu ne prononces que de vaines paroles. Peut-être es-tu fier d'avoir vaincu le vagabond Hyros, mais crains qu'un plus fort qu'Hyros se lève bientôt, qui t'accablera de ses mains robustes, et qui te chassera d'ici souillé de sang. » Et le subtil Odysseus, la regardant d'un œil sombre, lui répondit « Chienne, je vais répéter à Télémaque ce que tu oses dire, afin qu'ici même il te coupe en morceaux. » Il parla ainsi, et il épouvanta les servantes, et elles s'enfuirent à travers la demeure, tremblantes de terreur et croyant qu'il disait vrai. Et il alluma les torches, se tenant debout et les surveillant toutes. Mais il méditait dans son esprit d'autres desseins qui devaient s'accomplir. Et Athéna ne permit pas que les prétendants insolents cessassent de l'outrager, afin que la colère entrât plus avant dans le cœur du Laertiade Odysseus. Alors Eurymachos, fils de Polybos, commença de railler Odysseus, excitant les rires de ses compagnons. « Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne dans ma poitrine. Cet homme n'est pas venu dans la demeure d'Odysseus sans qu'un dieu l'ait voulu. La splendeur des torches me semble sortir de son corps et de sa tête, où il n'y a plus absolument de cheveux. » Il parla ainsi, et il dit au destructeur de citadelles Odysseus. « Étranger, si tu veux servir pour un salaire, je t'emmènerai à l'extrémité de mes champs. Ton salaire sera suffisant. Tu répareras les haies et tu planteras les arbres. Je te donnerai une nourriture abondante, des vêtements et des sandales. Mais tu ne sais faire que le mal. Tu ne veux point travailler. Tu aimes mieux mendier parmi le peuple afin de satisfaire ton ventre insatiable. » Et le subtil Odysseus lui répondit. « Eurymachos, plutôt Dieu, que nous puissions lutter en travaillant, au printemps, quand les jours sont longs, promenant tous deux à jeun la faux recourbée dans un pré, et jusqu'au soir, tant qu'il y aura de l'herbe à couper. Plutôt Dieu, que que j'eusse à conduire deux grands bœufs gras, rassasiés de fourrage et de force égale dans un vaste champ de quatre arpents. Tu verrais alors si je saurais tracer un sillon profond et faire obéir la glèbe à la charrue, si le crognon excitait une guerre aujourd'hui même, si j'avais un bouclier, deux lances et un casque d'airain autour des tempes. Tu me verrais alors mêlé au premier combattant, et tu ne m'outragerais plus en me raillant parce que j'ai faim. Mais tu m'outrages dans ton insolence, et ton esprit est cruel, et tu te crois grand et brave parce que tu es mêlé à un petit nombre de lâches. Mais si Odysseus revenait et abordait la terre de la patrie, aussitôt ces larges portes seraient trop étroites pour ta fuite, tandis que tu te sauverais hors du portique. Il parla ainsi, et Eurymachos fut très irrité dans son cœur, et le regardant d'un œil sombre, il dit ces paroles ailées. « Ah, misérable! Certes, je vais t'accabler de mots, puisque tu prononces de telles paroles au milieu de nombreux héros. Et sans rien craindre. Certes, le vin te trouble l'esprit. Où il est toujours tel, et c'est pour cela que tu prononces de vaines paroles. Peut-être es-tu fier parce que tu as vaincu le mendiant Hyros. » Comme il parlait ainsi, il saisit un escabeau. Mais Odysseus s'assit aux genoux d'Amphinomos de Doulichios pour échapper à Eurymachos qui atteignit à la main droite l'enfant qui portait à boire, et l'urne tomba en résonnant, et lui-même, gémissant, se renversa dans la poussière. Et les prétendants, en tumulte dans les demeures sombres, se disaient les uns aux autres. Plutôt Dieu que cet étranger errant eût péri ailleurs, et ne fût point venu nous apporter tant de troubles. Voici que nous nous querellons pour un mendiant, et que la joie de nos repas est détruite parce que le mal l'emporte. Et la force sacrée de Télémaque leur dit. Malheureux, vous devenez insensés. Ne mangez ni ne buvez davantage, car quelque dieu vous excite. Allez dormir, rassasiez dans vos demeures, quand votre cœur vous l'ordonnera, car je ne contrains personne. Il parla ainsi et tous se mordirent les lèvres, admirant Télémaque, parce qu'il avait parlé avec audace. Alors Amphinomos, l'illustre fils du roi Nisos Arétiade, leur dit « Ô amis, qu'aucun ne réponde par des paroles irritées à cette juste réprimande. Ne frappez ni cet étranger, ni aucun des serviteurs qui sont dans la maison du divin Odysseus. Allons, que le verseur de vin distribue les coupes afin que nous fassions des libations et que nous allions dormir dans nos demeures. Laissons cet étranger ici aux soins de Télémaque qu'il a reçu dans sa chère demeure. » Il parla ainsi, et ses paroles furent approuvées de tous. Et le héros, Moulios, héros de Doulichios et serviteur d'Amphinomos, mêla le vin dans le cratère et le distribua comme il convenait. Et tous firent des libations aux dieux heureux et burent le vin doux. Et après avoir fait des libations et bu autant que leur âme le désirait, ils se hâtèrent d'aller dormir, chacun dans sa demeure.